Pourquoi j'arrêterais de le faire? Parce que je suis mou, comme vous me proposez de l'être. Je trouve que vous, vous êtes molle pas mal, par exemple. Ah, ben tant mieux si je suis molle, que vous ne trouvez pas trop dur. Merci, M. le maire, là-dessus. On va suivre le débat. Il ne fait pas sa prière avant d'entrer en onde, il crucifie ses invités avec ses questions et en plus il s'en lave les mains. Pourtant, il est né dans la même ville que le maire Jean Tremblay. Accueillons votre animateur, Jean-Jésus Vaudier! Hey! Bonsoir tout le monde! Il est à peine 10 ans. Ah, c'est bon, ça. Hein? On a demandé aux gens de réagir. Ouais. Déjà, ils réagissent. Ils vont être déçus. Ouais. C'est pas si bon que ça. Non, mais bonsoir, tout le monde. Il est à peine 19h. La soirée est encore jeune. Ce qui laisse amplement le temps pour que d'autres scandales s'ajoutent hein, dans la ville de Toronto. Ah ouais. Tabarouette. Fred, ça va? Bonsoir. Hello. Hey, ça arrête pas dans la ville reine. Hein? C'est malade. Là, on a appris, évidemment, bon, la vidéo qu'on ne trouve plus. Ouais. Cette semaine, qu'est-ce qu'on a appris d'autre? Que la sœur de Rob Ford serait peut-être liée à des membres du Klu Klux Klan? Ouais, c'était un groupe de rap, ça, je pense. Ouais, hein. du rap blanc, en tout cas. Du rap blanc, ouais. Qu'est-ce qu'on a appris d'autre? Que son frère aurait été vendeur de drogue. Hein? Il n'y a pas de saut métier. Non, il n'y a pas de saut métier. Non, je disais, maman, regarde, on a tous un passé. Oui. Vous avez été des apartistes, oui. On ne vous le remet pas d'en face à chaque fois. Hein? Presque. Puis, non, mais. Sinon, qu'est-ce qu'il y a d'autre? En une semaine, Rob Ford a perdu, quoi, cinq collaborateurs assez proches. Hey, je te dis, l'usine Ford en train de se vider. Non, on va se le dire, nos mères, ils ont l'air des petites feluettes comparé à ça. Ben oui, nos mères, mais c'est sûr que c'est un poids lourd, hein, Rob Ford, mais on en a des pas pires quand même. Là, on l'a entendu, Jean Tremblay. Hey, la mère de Saguenay, c'est un vrai... C'est un mot religieux que je cherche. Non, franchement, frère. Un calice? Non, c'est un mot religieux. Non, ça commence par Q, là. Un curé! C'est un vrai curé, le monsieur! Hey! Comme dans le temps! Mais en même temps, la cour, il a donné raison. Il a le droit de faire sa prière. On a le droit de prier. Ben oui, on a le droit de prier avant le conseil municipal. Ouais. Hein. En tout cas, c'est un beau pas vers l'avant. Je trouve, fou. C'est un bel avant. Ben oui, qu'est-ce que tu veux. Hein? parlant de pas vers l'avant ou de pied vers l'avant, on doit souligner la mort d'Henri Morgan Taylor quand même. Mais j'ai vu ça. Là, j'étais plus sûr parce que sur le site du Journal de Montréal, ils l'ont annoncé, mais ils ont mis la photo de Claude Corbeau, l'ancien recteur de l'UQAM. J'étais mélangé. Ben oui, c'est pas une blague. En plus, ils se sont trompés. Mais en même temps, il était pas si loin. Corbeau, il était à l'UQAM quand ils sont conçus. L'îlot voyageur, c'est pas mal un bébé mort. Ils ont mis des condoms dans les fenêtres. Ouais, c'est pas stretché, là. C'est pas. Mais bon, c'est vraiment Morgan Taylor qui est décédé. Ouais. Hein, celui que les pros-vie appelaient le boucher de Montréal. Ben oui, moi, ça me met tellement maudit. Ben oui, ben. Faut que je me trouve une nouvelle place pour acheter mon steak, là. Fred, tu sais, un peu de respect pour le steak. Non, on fait des blagues. Pardon, c'est tout un homme que j'admire, parce que moi, je me compte chanceux d'être en vie. Oui, vous êtes passé sa fesse, il a commencé à travailler après vous. Tout à fait, moi, c'est écoute. Vous auriez été un candidat, vous, à mon avis. Ah, je sais pas, écoute, À mon avis, pour moi. Salut ma mère qui nous écoute, d'ailleurs. Vous auriez probablement pas passé. Avoir su, maintenant, mais c'est. Parlant d'avortement, je sais pas si vous avez passé le week-end au congrès de la Convergence nationale. Ben non. J'avais la balle molle. Ah, ça, c'est fâchant. Ben oui. Pas pu y aller non plus. Ah non? Non, je lavais mon asphalte. Ah oui, mais. Oui. Faites ça, vous. Ah oui, ben tout pour pas aller là. J'ai même pas d'asphalte. Hey, faut finir ça. Non, mais. On ne retrouverait pas là. N'empêche, il paraît qu'on a raté quelque chose de grand. On a raté un grand discours de Bernard Landry, qui est d'ailleurs entièrement français. Rareté. Pas de latin. À peine. Il a dit que la souveraineté passerait pas nécessairement par le PQ. Deux jours pour ça. Quand même. En fait, quand on regarde les sondages, on remarque qu'elle passerait pas pendant tout. Mais pourtant, Pauline a dit que le PQ demeurait la locomotive du mouvement souverainiste. Peut-être une locomotive de la STL. Non, mais. Je veux dire, faut voir ça comme ça. Parlant d'être arrêté, il y a la police qui a finalement mis la main au collet du bon docteur Arthur Porter. Toute une cavale, hein? Transo Panama, le monsieur. Mais c'est quand même étrange, son cancer à Porter. On dirait qu'il a besoin de son oxygène juste quand il y a des caméras. Oui, c'est un cancer à deux vitesses. Quand il essaie de sauver, plus besoin de sa bonbonne. Mais en même temps, une bonbonne courir, c'est pas pratique. Parlant de cancer, je sais pas si, si vous avez suivi la commission Charbonneau cette semaine. Bon, je suis comme tanné. Écoute, même plus ça. Non. Même plus, c'est à quel poste? Je suis pas aux deux, je pense. D'ailleurs, je me demande si c'est pas ça le but. Qu'on stanne des crosseurs. Qu'on s'habitue, en fait, qu'on fasse pas. On se fatigue. C'est comme la porno, en fait. Quand t'as vu un film, tu as tout vu. Ça, par contre, je m'attends de moins. Non? Ouais. Ça, on dirait que. Je sais pas. Ah oui, non, moi, c'est drôle. Ça m'a... Mais qu'est-ce qui. Vous avez des. Vous regardez ça où, votre. Ah, je sais pas quoi tu. Non, mais c'est des sites, t'as des sites. Non, mais j'ai dit ça de même. J'ai pas. Il faudrait que je check sur mon ordinateur. Là. J'ai pas ça en mémoire. Là. Ouais, vous c'est un floppy disk. Ouais, ah, ouais. Vous connaissez mon courriel. De toute façon, au pire, vous me le. Ah, on en reparle tantôt. Ouais. Parlant de bisounes, il y a le premier couple gay français qui s'est marié, ben là, oui. qui va faire son premier voyage de noces, en fait, au Québec. Quand même. Hein, c'est quelque chose. C'est un honneur. Ben oui. Là, j'espère ben oui. que les Mongols de la droite française vont pas les suivre dans l'avion nuptial. Ah, non. On s'accrochait après les canettes vides. Ben derrière. Non, on en a ici. Voyons donc. Ils vont passer à la POC. Ah, ils taguent. Hein. C'est à vous. Allez, oh, oui, ben oui, on en a. Chacun, écoute, chacun son mandat. Heureusement, on n'en a pas des fous. Non. Ce soir, on a des invités de marque. On commence avec le comédien Benoît Brière. Oui, hein, Benoît Brière qui vient nous voir. On est très content de ça. Ça, là, c'est le gars qui fait du théâtre d'été qui coûte trop cher. Ah, c'est complexe. C'est plus complexe que ça. Franchement, c'est. C'est pas facile le théâtre au Québec. Ah ouais, non, je sais pas, je suis jamais allé, moi, j'ai c'est pas ça. De... C'est ça que... Enfin. On reçoit également le député libéral Pierre Moreau. Oui. Hein, qui... Oui. Qui, faut le dire, moi. Mais là, c'est pas Kim Thuy? Justement, Kim Thuy est malade. Ah oui. Donc, Kim Thuy va venir la semaine prochaine. Oui. Et Pierre Moreau, lui, qui est en pleine santé, ah ouais, vient cette semaine. Vous êtes sûr qu'il est en pleine santé? Ben, je regarde dans le fond, il est gris un peu. Là. Non, ça, c'est la couleur du passe libéral. C'est le teint que ça donne. C'est le teint que ça donne. Ben, c'est ça, on va avoir le temps d'y demander parce que la soirée est encore jeune. Ben oui. Merci d'être à l'écoute de la soirée. T'es encore jeune. Olivier Niquette, les internets. Ah oui, voulez-vous que je vous en donne, moi, des sites de foufounes? Hein? Vous connaissez mon adresse. Ben, on se fera un envoi là, parfait, consolidé parfait. Là, tant qu'à se faire. Ben, les gens peuvent nous suivre sur twitter.com/lasoirée, facebook.com/lasoirée est encore jeune ou sur notre site radio-canada.ca/lasoirée où ils pourront écouter le président du mouvement Québec Vie expliquer que quand on y pense, Morgan Thaler, là, c'est un tueur à gages. Ah. Tu n'avais pas pensé à ça. Ah, fait, c'était pas une blague, finalement. Ton... OK. Grosse semaine. Hein? Grosse semaine. Ah ouais, on va se le dire. Encore une fois, une grosse semaine. Tellement qu'on n'a pas eu le temps de parler de la grosse nouvelle dans le monde merveilleux de la nourriture. Oui. Et imaginez-vous que la cafétéria du siège social de Monsanto ne servira plus de nourriture contenant des organismes génétiquement modifiés. C'est fou! Hein? Faut le faire pareil! C'est malade! Hein? Mais en même temps, on voit pas le problème, là, tu sais. Verrais-tu ça, toi, que la cafétéria de Radio-Canada nous passait du 98,5 pendant qu'on dîne? C'est la même affaire. Êtes-vous en train de me dire que Paul Arquin est génétiquement modifié? Non, vous? Mais Régent Tremblay, je pense que oui. Ça couette, hein? La petite couette. Hein, c'est ça. Tympan, il est... Tympan. Un gène de pan. Hein? Hey, vous nous présentez notre premier invité, frère? Directeur artistique et comédien, il a marqué le Québec avec ses publicités belles, mais surtout avec son interprétation d'Olivier Guimond, un grand de l'humour, tout comme lui. Accueillons Monsieur Benoît Brière! Hey. Monsieur Brière. Mes hommages, mes chers hommages. Vous asseyez là, s'il vous plaît. Je m'assois. J'allais vous offrir une bière, mais je vois que non, vous avez déjà servi. Non, je me suis fourné, merci. Ouais, ben non, vous servez. C'est le théâtre d'été. Il y en a plus, qui... d'ailleurs, en avant. Il y en a plus. Je vais juste spécifier qu'il y en a plus. C'est de faire du théâtre d'été qui habitue à ça. On oui, prend, on c'est prend ça. Que... Mais ceci dit, vous allez me laisser le temps d'aller faire pipi, parce que moi, une bière... Ah ouais. Ah ouais, hein. Ben, c'est fâchant, parce qu'on a un petit 10 minutes, puis après ça, il va y avoir Pierre Moreau. Il y a une chaudière ici. Oui. Bon, ça va aller. Ben, oui. Oui, de toute façon, elle est déjà chaude. Hey, mais Benoît Brière, on va se le dire, ça fait longtemps qu'on vous a pas vu. Oui, où ça? Ben, faut dire, je vais pas. Je sors pas beaucoup. Non, je vais pas au théâtre d'été, c'est ça qui est fâchant. Ah, puis ça, vous êtes c'est beaucoup... un petit peu décevant. Ben, en même temps, je vis à Montréal. Et? Ben, Terrebonne, c'est moins ça pour moi. Mais pour moi, parce que vous êtes directeur artistique du théâtre du vieux Terrebonne. Tu sais que c'est 20 minutes du centre-ville. Moi. Je t'ai dit ça de même, là. Premièrement, j'ai pas mon passeport. Ça fait très longtemps que j'ai pas renouvelé. OK, c'est pas et, ça. J'ai peur t'es aussi. T'es au courant qu'il y a le vieux? Il y a un vieux dans le vieux Montréal? Il y a un vieux Montréal. Oui. Okay. Ça, mais ça, c'est correct, ça. Ça me va. Ben, ça peut prendre 20 minutes avec le trafic. ça peut être loin. C'est ça. Mais vous faites principalement du théâtre d'été depuis une couple d'années. Oui. Ben, en fait, par accident, je te dirais, parce que. Ah oui, mon Dieu. Principalement. Oui, mais ça paraît pas. Non, c'est non, ça. C'est bien, ça bien je suis encore en thérapie, mais ça va bien. Ouais, je suis en train d'accepter. Good. Écoute, je jouais beaucoup. J'ai beaucoup joué au théâtre. Ben je continue de jouer beaucoup au théâtre. Et on sait que les horaires de théâtre sont malheureusement incompatibles avec les horaires de tournage qui dit télévision, qui dit cinéma. Incompatibles avec les choses qui font de l'argent. Exactement, okay, qui font ça. Vraiment non, de l'argent. Oui, c'est ça, c'est correct. C'est juste pour être certain, parfait. Oui, ouais. C'est parce qu'au cinéma, à la télévision, on sait à quelle heure on commence, on ne sait jamais à quelle heure on finit. Ouais. Alors, de dire au producteur, écoute, il faudrait que tu me libères à 5 heures parce que vous j'aille au théâtre, il trouve ça un petit peu difficile. Alors, quand tu fais beaucoup de théâtre, tu fais très peu de télévision. Alors, c'est peut-être un peu pour ça que tu ne m'as pas vu à la télévision. Mais ceci dit, la direction artistique est arrivée par accident. Mais c'était un bel accident. Ça me tentait de participer au processus décisionnel. Et puis après ça, est arrivée la production. Ah, ben alors, ça! Ouais, tout c'est ça. C'est là que l'argent est. C'est là le bas blesse. Ben non, regarde, on qu'est-ce va se que le tu dire, veux que ça? Non, mais à un moment donné, tu sais, quand t'es obligé de faire ta job. Ben, je comprends. Je comprends. Ce que je fais. Mais alors, je me paye moi-même. Ah, ben c'est. Puis bon, c'est stupide. Mais non. Ah, OK. Non, vraiment pas. Pourtant. J'ai comme pas compris. Ben, coudonc, ben, je veux dire, ben, j'écoute la commission pendant... en ce moment, ouais. J'essaie de prendre des cues. Non, mais vous avez compris pendant une couple d'années, belle. Tu sais, dans le temps que les pubs... Ah oui, mais, là... oui, mais c'était pas moi qui me payais. Non, je suis ben, non, mais à mon avis... Non, ça, ça allait bien. Oui, ça, c'était correct, ça. Oui, oui, la vie était bonne. Comment ça qu'ils font plus de bonnes pubs, eux autres? C'est à moi que tu demandes ça. Ouais. Moi, je suis plus là. Hein. Non, moi, ça fait. Sachez-le. Non. Non, mais c'est parce que ça faisait. Je dis ça, mais ça faisait 3-4 ans que j'avais terminé de faire les publicités de Belle. Et je pense que. Vous receviez un chèque? Non. Ah, non. Tu es fou. Ah. Non, mais je pense que. Je payais à ce moment-là. mais il y a des gens qui m'arrêtaient sur la rue pour me dire hey, c'est quand la prochaine? Boy, ça fait 3 ans que c'est fini. Mais ça a été marquant quand même. Ben, oui, ça a été marquant. Mais ça a été 14 années de ma vie. Là. C'était meilleur que la petite vie, faut dire. Là, cet été, vous continuez. Vous lancez dans une nouvelle pièce, La puce à l'oreille. La puce à l'oreille, oui. Avec. Une pléthore de joyeux hurons. Ben, Luc Guérin et Martin Drainville. Entre autres. Oui, et la qui deviennent co-associés. Comme production. Comme producteur et comme co-directeur artistique. Ah, okay, parce que vous n'étiez pas capable de payer autrement. Exactement. Ouais. D'une part, et deuxièmement, je suis pas capable de remplir la job tout seul. Ouais, ah, que, c'est ça. C'est comme j'étais pourri comme producteur. Est-ce que vous avez déjà fait un trio ensemble, vous? Ah, oui, non, je. Oui, au dans cinéma. Un film. Oui, oui. Ben, je viens de me souvenir. À l'époque, Angelo, c'était payant. Fredo et. Oui, Romeo. C'est un film italien. Oui, c'est sorti juste en Italie, je pense. Il a été peu vu ici, ouais, surtout en Europe, hein, c'est ça? Il a été beaucoup vu en Europe, effectivement. Ouais. Il a fait quelques festivals. Ouais. 96. Fait... Ah, oui. c'est... Écoute, ça y est, tu viens de me nommer le nom du film, j'ai recommencé à me gratter. Est-ce que tu pourrais appeler mon thérapeute? Parce que normalement, je finis ça au sang. On rit bien, mais c'était pas drôle. Non, c'était pas drôle, pas en tout. Il a quand même été nommé le film le plus pourri de l'histoire du Québec. Ben, et je vous dirai, ils ont raison. Ah oui, c'était quelque chose. C'est quand même un prix. Ah non, non, ben c'est quelque chose. J'ai gagné un prix. Ben, je peux m'en vanter. C'est ça. Je peux m'en vanter aussi. Écoutez, gagné. Mais c'était une horreur, c'est une histoire d'horreur. Pour vrai, je pense pas l'avoir vu. Et en même temps... Ah non, il faut que tu le vois. Ah oui? Non, mais maintenant, je ne sais plus combien ça coûte pour louer. Louer-le en gang. Déjà, diminues tes frais. Il pousse l'audio à nous faire payer pour oui, ça. Oui. Ah oui. Non, mais je ne sais pas si les producteurs te changent encore quelque chose avec ça, mais... mais et c'est, as-tu un bêta? Parce que je pense que la dernière cassette qui existe ça, est en bêta. Ben, je lisais les critiques, puis je trouvais ça... Juste les critiques me faisaient rire. On attendait le pire et le résultat dépasse les attentes. C'est Georges Privet. Mais en même temps, monsieur, il fait des chroniques à Catherine Perrin. Je veux dire... Ah non, mais il y a tellement... Excuse-moi, tu sais. Ça pourrait me blesser. Ça pourrait me faire non, mal. Je sais que non. Et je te dis, je pourrais t'en rajouter des pires. Ah oui! Ah non, ça a été une histoire d'horreur, cette histoire-là. Mais c'est passé. On passe à d'autres choses. Encore une fois, le passé n'est pas nécessairement garant de l'avenir. Regardez Fred Savard et les apartistes. Il y a été des apartistes, monsieur. C'est vrai, hein? Je lisais quelques entrevues que vous avez faites j'étais fasciné par l'intérêt que vous aviez avec le public. Faire rire avec le public. S'amuser avec le public et l'importance du public. Parce que nous, on faisait de la radio un peu dans notre sous-sol avant. Ouais. On montait tout ça, on voyait jamais personne. Hein? On faisait des blagues, on savait même pas s'il était drôle. Ouais. Et là, on en fait et on force les gens à rire. Non, mais c'est ça, mon monde à rire, c'est ça. C'est comme, on leur dit avant, riez pas. Ils m'inviteront plus, quoi. Non, moi... Non, tu étais fin, merci. Y a pas de, on invite tout le monde à plusieurs reprises. Pierre Moreau, c'est la deuxième fois ce soir. C'est vrai. Hey, y a pas de, on regarde pas, nous. Non, c'est super. C'est, donc, vous reviendrez ben, peut-être je vais pas. Venir. Peut-être oui, ça va me faire plaisir. Le théâtre d'été, t'en parles une fois, c'est pas mal ça. Genre. Mais, t'es chien, non. On peut en parler longtemps parce que c'est tellement, ça va tellement être écœurant. Ça va tellement être bon. Ça va être formidable. Ça a compté du 13 juin. Est-ce que... Ça a compté du 13 juin? J'étais bien parti. Ouais, hein? Non, c'est du 13 juin? C'est dans 2 semaines. Oh, j'ai une perte. Mais, c'est quoi le public d'un théâtre d'été? Est-ce que le public se renouvelle? Ah oui, il y a des jeunes. Oui, il se renouvelle. Arrête donc. Oui. Et je te dirais, il est différent de soir en soir. On peut quand même tracer quelques grandes lignes. Ouais. Mais il est différent d'été en été. Il est différent de lieu en lieu aussi. Ça dépend de ce qui est offert, je te dirais. Et qu'est-ce qu'un bon public? Comme par exemple, ce soir, est-ce qu'on a un bon public? On a un excellent public. Attends. Je t'explique pourquoi. Il y a tout le monde qui me regarde, sauf un qui vient de parler à sa blonde. Mais à part de ça... Ah, ça doit être le petit problème. Non, c'est qu'ils sont très... Non, il n'est pas... Non, ils sont très attentifs. Alors, c'est un excellent public. Ah oui? Oui. Ils sont pas beaucoup. Faux, c'est pas nécessaire de rire à gorge déployée, à bouche que veux-tu, à perte de dentier. C'est ça. Il faut... On est habitué de ça. Vous êtes habitué de ça. C'est intéressant, Jean-Philippe, écoute. Là. C'est pas toujours nécessaire. Non, mais Fred, regarde. À un moment donné, je dis, c'est assez faux. De toute façon, la comédie à la base, surtout une bonne pièce comique, c'est un drame. À la base, c'est un drame. C'est un point de vue du drame. Normalement, on fait souvent la blague, mais c'est vrai, si c'est bien joué, c'est joué dans la vérité, parce que c'est facile de tomber dans le comique. Mais on perd la vérité, on perd l'histoire, et à ce moment-là, on attend juste le punch, et finalement, ça dilue ce qu'on est en train de nous raconter. Les gens ont besoin de se faire raconter des histoires, et moi, j'ai besoin d'en raconter. Donc, une bonne comédie, c'est un point de vue du drame. Si tu lèves le quatrième mur entre le spectateur et le personnage, dis-moi, le personnage serait en droit de dire « De quoi vous riez, je suis dans la merde ». Ouais, alors, donc, si ça s'est joué dans l'absolu, et c'est bien fait, les gens se laissent complètement bercer par ce genre de situation-là. Et c'est là où ça marche bien. Et est-ce qu'on va avoir le droit de vous revoir à la télé bientôt? You bet you sweet little bumsy, my dear. Oh yeah! Oui! Quand? Où? Et comment? Ça sera pas en anglais. Mais ça non, drôle. C'est un gros, gros, gros projet que je n'ai pas le droit de parler de. Aimes-tu ma syntaxe? Ben oui! Oui c'est... Ah, je ben sais, moi, je sais. J'ai vraiment pas le droit. Mais on se voit bientôt. Fait que je vais refermer ma gueule. Okay. On va me revoir très bientôt. Ben, ça faisait effectivement très longtemps et je m'en ennuyais. Parce que je regardais justement des extraits de La Cage aux Folles sur YouTube, dans des extraits de 2 minutes. C'est le même, je regarde mon théâtre. Oui, hein, c'est YouTube. Cause extrait sur mon téléphone. Et donc, le rôle que vous aviez de Zaza, extraordinaire. J'ai pas fini de travailler fort pour t'attirer là. Mais non, mais t'es bonne, tu joues au golf dans ce coin-là, c'est pas pire. Il y a un très beau golf. Vraiment, honnêtement, mais c'est pas ça qui nous intéresse. Non. Vous étiez très bon dans ces extraits-là. Jouer le rôle de Zaza qui est extraordinaire. Je me disais, mon Dieu, on en a plus de comédiens comme ça. On verrait bien dans 19-2 faire un policier avec. Mais bon, peut-être dans un autre. Qu'est-ce que t'as à rire? Toi, qu'est-ce qu'il y a à rire? C'est un rire nerveux. C'est nerveux. Il est intimidé parce que vous vous représentez. Non, j'adorerais jouer dans 19-2. Que l'appel est lancé. L'appel est lancé. Okay. Très certainement, surtout que. Mais on a assez hâte de vous voir à TV puis que vous allez de toute façon revenir pour parler de ça. Oui, ça c'est promis. Oui? Ça c'est promis. Tu arrêtes au Canada. J'ai pas le droit de le dire. Ah, ben ça doit être. Qui ne dit mon consent? Voilà. OK! Fait qu'on se voit au lancement de septembre. Génial! Vous restez avec nous! Allez, je reste tellement avec vous. Autres. Il y a de la bière! Ah, ben, puis il y en a encore 2-3. OK, la décision du CRTC est enfin tombée cette semaine. Oui. Vous l'avez appris? Espace Musique et CBC2 vont pouvoir diffuser et vendre de la publicité. Et on n'a pas perdu de temps et on vous présente en exclusivité de quoi aura l'air Espace Musique très bientôt. On écoute. Roberta Manoken, toujours avec vous pour encore 10 minutes. On vient d'entendre la pièce Molson Coors Light de la semaine, Que du bonheur de Luce Dufault. Et on va rejoindre Pierre Tessier qui nous présentera le menu de son émission aujourd'hui. Pierre! Eh bien, comme je vous l'annonçais hier, nous diffuserons l'émission Plaisir Tessier en direct de la succursale de pneus Touchette du boulevard Lacordaire. Nous aurons avec nous le quatuor Molinari qui accueillera les clients. On vous invite à venir nous voir. Je vous rappelle qu'à l'achat de 8 pneus d'hiver Toyo, je remettrai en main propre le dernier album de Pierre Lapointe, Punct, qui est bien sûr notre sélection du mois Vidal Sassoon. Oh, Pierre, ça promet! Eh bien, nous, on s'en va écouter une petite publicité et on vous revient avec le dévoilement des gagnants de notre concours Swiffer, qui verra deux de nos auditeurs recevoir la visite de l'équipe de nettoyage Swiffer pour le grand ménage du printemps Swiffer sur Espace Musique. Centimètres, 5 $. Ben oui, mais là, Espace Musique, ça va être un système métrique, ça peut pas être 12 pouces. Ah, OK, c'est ça. Et qu'ils sont hautains. Comme l'herpès, hein, il est gênant, désagréable, il revient toujours. On parle évidemment de la plaie de notre émission, notre reporter Jean-Sébastien Girard. Jean-Sébastien, bonsoir. Ah, bonjour Jean-Philippe, comment allez-vous? Ça va bien, vous-même? Ben, très bien, merci. Mais je vous écoute dire vos niaiseries depuis tantôt. Oui. Puis je me suis dit, un peu de spiritualité ferait pas de tort à cette émission-là. Alors j'ai pensé m'inspirer de ce que fait le maire Jean Tremblay à Saguenay et inclure la prière à notre travail ici à la soirée est encore jeune. Mais évidemment, Jean-Philippe, vous conviendrez avec moi, en 2013, on ne sait plus comment prier. Non. Alors, j'ai pensé consulter une spécialiste en la matière, une nonne, mais pas n'importe quelle nonne, une nonne superstar. Et j'ai nommé Mme Sœur Marie-Paul Ross, sœur missionnaire de l'Immaculée Conception et sexologue bien connue. Bonjour, ma mère. Oui, bonjour. Bonjour. Alors, avant de se lancer dans la prière 101, dites-moi, le maire Tremblay et sa prière, vous en pensez quoi, vous, exactement, en tant que dévote? Est-ce qu'il représente pour vous un grand défenseur de la foi ou est-ce qu'inversement, tout ce qu'il incarne vous fait douter de l'existence même de Dieu? Ben moi, chaque chose à sa place. Dieu, il est tellement profond en soi là, que de faire une petite prière comme ça puis de dire des prières, ça devient de la petite bière. Moi, je fais pas de prière. Prier, c'est une autre affaire. Bon, mais moi, j'aimerais qu'on en fasse une prière ici à l'émission, en chaque début d'émission, mais concrètement, ma sœur, est-ce que ça va donner quelque chose? Je veux dire, est-ce que ça va être payant pour nous? Est-ce qu'on va être un peu plus drôle? Est-ce qu'on va gagner des oliviers? Ouais. Est-ce qu'on va avoir des invités plus hautes que Benoît Brière et Pierre Moreau, par exemple? Ben, je pense que s'éloigner... Moi, là, je pense que s'éloigner de son naturel, là, c'est pas gage de succès. Ah! Il faut garder ça en tête. Peut-être juste pas dans le code de Fred Savard, par contre. Et en terminant, dans tout le débat public, il y a des citoyens qui prennent un moment de silence, tout simplement, à la place de la prière, dans les réunions de conseil. Au pis-aller, j'ai pensé qu'on pourrait faire ça ici à la place, un moment de silence. Et j'ai envie, Jean-Philippe, si vous me permettez, de le faire maintenant, ce moment de silence-là. Ouais. Ça va être un moment inusité à la radio. Alors, Jean-Philippe, le public, les invités, tout le monde debout. Levez-vous. Oui, absolument. Bon, ben là, on va le faire. Ben, levez-vous, c'est alors, bien important. Alors, jamais cette émission-là n'aurait été aussi intéressante. On n'a plus de subvention. De... Alors, voilà. Alors, vous prenez ce temps pour penser à ce que vous voulez. Si vous êtes croyant, vous pensez au petit Jésus. Ouais. Si vous n'êtes pas croyant, vous pensez pas au petit Jésus. Okay. Si vous êtes Fred Savard, vous pensez à rien. Okay. Alors, c'est parti pour une minute de silence. OK. Ah, je suis bête, mais c'est donc bien long, une minute. On peut arrêter là. OK, bon, c'est bon. OK, ben, merci. Ma sœur, est-ce que vous pensez que le petit Jésus va être fâché, même si on fait juste un petit 20 secondes? Écoutez, ça, l'important, là, c'est d'entrer en soi puis d'écouter au fond de soi. C'est pas le temps qui compte. Ben, bon, ben, tant mieux que vous m'appreniez ça. Maintenant qu'on est zen et rempli de compassion, on va pouvoir supporter la mère de Fred Savard, mère qui s'apprête à nous livrer et après laquelle je reviens dans 4 minutes. Super sympathique. Ah non, mais c'est une belle équipe. Non, c'est une super équipe. Vous écoutez La Soirée est encore jeune, animée par Jean-Philippe Vautier sur les ondes de la première chaîne. Une émission qui aime citer Christine Boutin qui dit en gros qu'un coup bandé, pas de parenté. Je comprends bien, il est à l'extérieur, lui. Ouais, c'est ouais. Parlé. C'est très rare qu'on côtoie. Il y a intérêt, d'ailleurs. Ouais, hein, ouais, on l'a jamais vu. Il est pas souvent au bureau. Ça va chauffer. Hey, Fred, c'est ça, c'est à vous. Oui, alors, permettez-moi de revenir sur l'affaire Jacques Villeneuve, hein, qui a secoué le Québec la semaine dernière pendant au moins un gros 10-12 minutes. Il a sorti un autre disque. Pour ceux qui... Il s'en va. Pour ceux qui ne s'en rappellent pas ou qui s'en sacquent, eh bien, rappelons que Jacques a décidé finalement de quitter le Québec. C'est qu'il n'en prenait pas plus pour que le Journal de Montréal en fasse sa une samedi dernier. Évidemment, beaucoup ont salué le départ de Jacques! Mais heureusement, plusieurs autres ont déploré la perte de ce grand champion qui en plus était millionnaire. Et on le sait, une société qui compte beaucoup de millionnaires est nécessairement une société heureuse. Je pense tout de suite à des endroits bucoliques comme le Bahreïn, le Qatar ou le Yémen, et plus particulièrement Hampstead. Pour ceux qui ne s'en rappellent toujours pas, rappelons que Jacques a fait la fierté du Québec au milieu des années 90 après avoir remporté le championnat de Formule 1. Et là, je vous mets en garde, les plus jeunes, n'écoutez pas ceux qui disent que sa voiture à l'époque était tellement performante que même une chèvre avec un sabot assez épais pour atteindre la pédale à gaz aurait probablement gagné aussi le championnat, parce que c'est peut-être faux. Et ce n'est pas parce que Jacques n'a pas su se qualifier pour la série NASCAR et qu'il n'a jamais gagné une course auquel il est inscrit à l'Autodrome Saint-Eustache que ça fait de lui un perdant. Il a été champion du monde de Formule 1 et ce succès a rejailli sur tout le Québec. Et je vous rappellerai que la Zambie, le Sénégal et le Mozambique n'ont jamais eu de champion du monde de Formule 1 et regardez l'état déplorable dans lequel se trouvent ces pays. Vrai, vrai. Et n'oubliez pas qu'en plus d'être un champion de vroom vroom, Jacques a également été un entrepreneur, lui qui a ouvert un bar sur la rue Crescent. Et on peut se le dire, Montréal et le Québec manquaient cruellement de bars pour que la plèbe et les bimbos puissent aller boire et oublier combien ils vivaient dans un état des plus médiocres à l'est du système solaire. Mais Jacques s'est pas arrêté là. Il a également tenté une carrière de chanteuse et Dieu seul sait que là aussi, le Québec manquait cruellement de chanteuses. Mais malheureusement, les Québécois, peuple stupide et ingrat, n'ont pas su reconnaître le talent musical de Jacques! Et n'écoutez pas non plus les mauvaises langues qui disaient qu'une chèvre avec le sabot assez épais pour qu'elle puisse bêler dans un micro aurait fait un meilleur disque, c'est peut-être faux. Mais posons-nous la question, pourquoi Jacques est parti? Ouais. D'abord, il est faux de prétendre que Jacques a déménagé dans la principauté d'Andorre pour ne pas payer d'impôts. Ce n'est pas la principale raison. Pour ceux qui l'ignoreraient, la principauté d'Andorre est située entre l'Espagne et la France. On peut donc conclure que Jacques s'y est installé pour profiter du formidable dynamisme de l'économie française et espagnole. Non, Jacques est parti parce que nous n'aimons pas les riches. Prenez par exemple le projet du Cirque du Soleil d'installer une salle permanente et un casino à Pointe-Saint-Charles à même les fonds publics il y a quelques années. Comme le faisait remarquer avec justesse Mario Dumont, il n'a suffi qu'une poignée de crottés pour faire trembler nos politiciens et faire avorter ce beau projet porteur. Car oui, c'est très porteur pour une société d'avoir une salle pour présenter des spectacles de cirque avec même pas d'animaux. Et les salles de jeu de hasard. Les masses laborieuses ont besoin de hasard. C'est parfois leur seule chance de s'en sortir. Mais non, nous avons dit non au hasard et Jacques est parti. Mais Jacques est aussi parti pour fuir la mentalité d'assisté sociale qui pullule au Québec. Ici, je suis perplexe car je ne sais pas exactement de qui il parle parce qu'il y a beaucoup d'assistés sociaux au Québec. Est-ce qu'il parle des banques qui paient 15% d'impôts pour nous permettre de nous facturer des frais pour retirer notre argent? Est-ce qu'il parle des compagnies minières qui se font construire des routes à nos frais pour pouvoir exporter le minerai plus rapidement à l'extérieur de nos frontières? À moins qu'il parle des organisateurs du Grand Prix de Montréal qui demandent pour une 19e année consécutive l'accroissement du financement public parce que Bernie Ecclestone, ce grand entrepreneur qui ose prendre des risques avec l'argent des autres, en nous proposant de débourser 300$ pour assister au spectacle majestueux de chars de course qui tournent en rond pendant 2 heures. Ce n'est pas clair, mais pour toutes ces raisons, comme Jacques, moi aussi j'ai mal à mon Québec. Et j'aimerais terminer en saluant le courage de Jacques. Jacques, tu ne pouvais plus faire crisser tes pneus au Québec. Tu as préféré crisser ton camp et nous te disons merci. Oh. Hey, vous avez même réussi votre chute. C'est rare. C'est rare, on va en profiter. Mon Dieu, on va vraiment le vivre ce moment-là. En tout cas, moi, il est certain que je ne sortirai jamais un disque. Moi, ce que j'entends non. Ici, là. Ah, c'est pas sûr qu'il y ait une job l'année prochaine, pour vrai. Ouais. On va retourner parler à Jean-Sébastien, notre ami Jean-Sébastien, bonsoir. Mon Dieu, c'était agressant comme chronique. C'est bon. Bon, toujours en train de parler de prière avec la révérende Marie-Paul Ross. Oui. Et j'aimerais profiter de votre présence, ma mère, pour qu'on prie pour les désœuvrés, pour différentes personnalités publiques, si vous le voulez bien. Mm-hmm. Et on va commencer avec Rob Ford, qui est victime d'un grand complot. On souhaite évidemment qu'il puisse en sortir la tête haute. Vous suggérez quoi exactement comme prière pour notre bon toxon? Ben, je pense qu'il y aurait avantage que la vérité libère, puis s'il fait l'autruche, ben ça l'enchaîne, là. Ben oui. On n'est pas fait pour être enchaîné, il va falloir qu'il demande la libération, là. Ah ben bon, oui. Alors, Rob Ford, la libération. Alors, pour Rob Ford, tout le monde, un gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Amen. Et enfin, une prière pour un chroniqueur vieillissant qui nous endort avec ses billets d'humour insignifiants, qui suscite toujours le rire, mais seulement lorsqu'il est tout nu. Quelle prière pour que Fred Savard devienne aussi drôle que les apartistes? Ben, ça va être important qu'il rouvre son cœur au soleil pour que le soleil brille enfin sur le Québec. Que c'est bien dit. Pour le bon Fred Savard, un gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Amen. Je vous remercie infiniment. On se retrouve dans quelques minutes, tout le monde ensemble, avec une belle surprise. Hey, merci Jean-Sébastien. Hey, Fred, présentez-nous notre deuxième invité. Candidat défait dans la dernière course à la chefferie du Parti libéral, il a créé la surprise en terminant deuxième et il crée également la surprise en étant notre deuxième invité. Voici M. Pierre Moreau. Salut. Bon. Vous connaissez Benoît Brière, toujours? Oui, on est presque voisins, semble-t-il. Arrêtez donc. Oui. Vous êtes bonne? Non. OK. Non, mais je sais pas, moi. C'est pas parce que j'y travaille que j'y demeure. Ah, OK. Il a pris la bonne habitude de travailler là où il ne demeure pas. Oui, c'est vrai? C'est moins inconvénient pour les voisins. Ah, ben merci d'être ici. Ça me fait plaisir. Grosse semaine pour les libéraux. Ah oui? Ben oui, ben là, vous allez retrouver votre médecin de famille qui revient au pays dans pas longtemps. Là, oui. Vous le connaissez bien, vous, le médecin? Non, je le connais pas. Je le connais par les nouvelles. Les maudits médias. C'est de votre faute. Regarde, je sais. Je m'écœure à chaque fois que j'en parle. Mais... Arrêtez de m'en parler. Ben non, je sais, mais on va parler un petit peu pour rire tantôt. Okay, mais, mais là, on va parler de la course à la chefferie parce qu'on vous a pas c'est reçu. Terminé. Mais je le sais. Quand vous m'avez reçu, vous vous demandiez quel était mon nom. Oui, bien là, on s'en est souvenu. Bon. Michel Moreau. Jeanne. C'est ça. Jeanne Moreau, ben oui. Et vous êtes bien conservé. Oui. Non, mais quand on vous a reçu, évidemment, on s'amusait parce qu'on se disait, mon Dieu, on reçoit le troisième. Ouais, la personne qui va terminer troisième. Ouais, c'est ça. On soupçonnait d'ailleurs Raymond Bachand de vous avoir engagé pour pas finir dernier. Ah, il s'est fait avoir, hein, Raymond. Oui. Et depuis ce temps-là, moi, je ris debout. Ben non, mais pourquoi? Ben, vos pronostics étaient... Ben, voulez-vous que je vous dise quelque chose? Est-ce moi, que vous avez déjà travaillé dans une maison de sondage? Ah, moi, mon Dieu. Moi, oui. Oui? Oui. Pour vrai? Ben oui. Vous avez quitté ça rapidement, oui. Hein? Très rapidement. C'est une bonne idée. Oui. C'est pas fiable, les sondages. Non, j'ai fini les sondages. Oui. C'est un métier du passé. C'est ça. Ah, ouais, c'est ça. Mais, ouais, c'est vrai. L'humour, c'est le métier de l'avenir. Ah, hey, voilà. Il a perdu sa job, lui, puis d'une façon assez. Ah, non, c'est ça. C'est une petite vengeance pour le boss. Fini les boîtes de sondages. Terminé. Fred, il y a un petit quelque chose. Oui, il y a quelque chose. Il y a gardé. Vous avez fini à 22% tout juste devant M. Bachand. Est-ce que c'est une victoire pour vous, finir deuxième? Ben, en fait, moi, je trouve que c'est une belle expérience en général. La course à la chefferie, là, ça nous fait connaître tout le Québec. On va, Puis ça faisait longtemps que vous ne connaissiez pas le Québec. La dernière course à la chefferie, c'était les années 80. Moi, je n'étais pas là. Ben non, mais personne n'était là. Mais vous, vous n'étiez pas là. Moi, oui. Benoît était là. Oui? Ah, je pensais que vous étiez plus jeune que ça. Baveux. Non. Non, une belle jeunesse. Non, je suis pas jeune. Non. OK, OK. C'est vraiment, c'est une belle expérience parce que ça nous fait connaître tout le monde. Ça nous fait connaître le territoire. On va parler un peu de Pauline parce que ça va bien au gouvernement péquiste. Non, ça me tente pas vraiment de parler de Pauline. Honnêtement, je la vois. Elle est en face de moi toute la semaine. Arrêtez donc. Là, on est rendu tard. La soirée est encore jeune. Oui, mais quand même. On pourrait se trouver un autre sujet de conversation. Mais si on fait un petit bilan du gouvernement péquiste depuis le début, bon. Peut-être 2-3 erreurs maximum. Est-ce que vous avez été en hibernation récemment? Ben, nous, on a reçu des péquistes et on a reçu des ministres qui nous ont dit que tout allait bien. Tout allait bien. Ah, bien, si vous le dites, ça doit être vrai. C'est ça. Mais le problème, c'est que quand ils avancent, c'est généralement vers un mur. Et après, ils reculent. Et là, ils ont fait ça plusieurs fois. C'est la méthode Jacques Villeneuve. Hein? Oui. Justement, il est parti, alors peut-être que Pauline le remplacera. Peut-être. Mais il y a l'oncle Villeneuve aussi qui fait beaucoup d'accidents. Oui. Alors, mais lui, il se reconstruit tout le temps. Oui. Mais Pauline c'est un peu Jean Charest, en fait. Pauline aura peut-être la difficulté à se reconstruire. Oui, bien justement, là, vous allez prendre les rênes du pouvoir d'ici une couple de jours. Ça, vous aviez prévu que j'arriverais troisième. Dites pas qu'on va reprendre le pouvoir d'ici 2-3 jours parce que vous vous trompez dans vos prévisions. J'aime pas ça quand vous prévoyez des choses. Je vous souhaite d'être premier ministre un jour. Donc vous êtes... Hey, ouais, c'est ça. Excusez-moi. C'était pour rire. OK. Vous êtes allé à la Convergence nationale le week-end dernier? Malheureusement, j'avais autre chose à faire. Ben, moi, tout le monde avait autre chose à faire. Il n'y a plus toute la fin de semaine. Finalement, j'ai rien. C'est ça. On va parler quand même de dossiers qui vous concernent, le Parti libéral. On a appris récemment que Nathalie Normandeau serait peut-être intéressée à revenir en politique. J'ai lu ça cette semaine. Vous la connaissez, Nathalie? Oui, je la connais. Oui. Mais elle ne m'a pas dit qu'elle était pour faire cette déclaration. Non, c'est ça. Mais elle est partie vite, elle. Elle est partie. Oui, vite. Elle reviendrait où? Est-ce que vous êtes surpris de ça? Ben oui, honnêtement, je suis surpris. Oui, je croyais qu'elle était heureuse dans. Ben, elle dit d'ailleurs, je pense, dans cet article-là, qu'elle est heureuse dans sa nouvelle vie. Oui, mais pourquoi revenir? Est-ce que ça vous surprend? Je sais pas. Moi, je vous dis, honnêtement, si vous me posez la question, le jour où moi je vais quitter la politique, je pense que je ne retournerai pas. On marche pas dans la même trace. Ah, c'est un conseil que vous lui donnez. Hein? Non, pas du tout. Peut-être elle peut avoir le choix de revenir si elle veut, là, il n'y a pas de problème. Mais moi, je ne ferais pas ça. Quand vous allez... Je pose ça parce qu'on en a parlé avec Benoît Brière tout à l'heure. Le théâtre, là... bon, non, ça recommence. C'est un rire nerveux, sûrement. Oui. Le théâtre, là... Est-ce qu'il a perdu des subventions durant les dernières années? Disons, depuis 2003, là, vous êtes dans le théâtre depuis un bon bout, vous avez travaillé pas mal là-dedans. Est-ce que depuis 2003, le théâtre a plus de difficultés à recevoir des subventions des gouvernements? Puis là, je sais pas qui était au pouvoir en 2003 puis 2012, mais là, je lance ça. Là. Est-ce que ça a été plus difficile? Mon pauvre toi, c'est depuis des décennies. Ah! Vraiment des décennies que... C'est drôle, la culture en général, puis ça inclut le théâtre, bien sûr, mais c'est une sorte de mal nécessaire. Ouais. C'est un... faut encore s'en occuper. Je sais. Qu'ils sont fatigants. Pas plus, ils ont de la tribune, eux autres. Ils peuvent chialer. Ils maudits qu'ils sont chialés. Non, mais on a fait... On va essayer de leur donner 1%. T'sais. On va sur-subventionner les grosses compagnies minières qui vont nous dévaster l'écologie. Mais, mon Dieu, que la culture, ça coûte cher. Puis ils sont chiants. Ça rapporte pas. Moi, je trouve que... Oui. Je suis sûr qu'il y a une bonne mémoire parce qu'on ne peut pas apprendre des textes comme ça au théâtre sans avoir une bonne vous souviendrez sûrement. C'est le delete facile. C'est ça. Alors, je vais vous aider. Ils m'ont rappelé avant l'entrevue que j'avais fait belle pendant 14 ans parce que je m'en souvenais. Souvenais pas. Bon, on dit pour dire. Ah, pourtant. Son comptable s'en souvient. Bien sûr. Mon banquier s'en souvient. Ouais, lui. Lui, pendant une période de temps, il m'a vouvoyé. Il a recommencé à me tutoyer. Mais il appelle plus souvent. Non. Il a dit, le private banking, c'est-tu vraiment nécessaire pour ouais, toi? Là, on est rendu là. Là. Que... Elle voit encore un compte de banque. OK, oui, d'accord. Mais en fait, pour conclure là-dessus... Sur quoi? Le théâtre. Ah, OK, oui. Non, ouais. Non en fait, mais... de la culture en général, je pense que c'est pas tant de... Parler de sous, c'est comme une espèce de nécessité, c'est clair, on s'entend, mais ça va bien au-delà de ça. Moi, je pense que ce qu'on a besoin de, faire, ce qui manque le plus en ce moment, c'est une véritable volonté politique, à la base, mais ça ne dépend pas que de la politique. Mmh. Ça dépend de absolument tous les intervenants, tous les joueurs qui sont là. Et puis, c'est même pas pour vous défendre. Non, mais je sens. Mais je, honnêtement, là, je vais vous dire, je sentais pas que vous me défendiez beaucoup. Non, non plus. Non, mais c'est bien au-delà de ça. C'est bien au-delà des sous. C'est une. Il faut revoir la façon de voir la culture. Il faut revoir la façon de la. Comment dire, de l'appuyer, de la concevoir. Et c'est tellement vrai. J'ajoute une chose là-dessus. Quand on a fait, puis je le dis, quand on a fait Placement Culture, ce dont on s'est aperçu, c'est que dans le domaine de la culture, notamment dans le domaine de la danse, les compagnies étaient sous-financées et sous-capitalisées et qu'il y avait des difficultés à s'organiser. Il faut d'abord les aider. Il faut encourager les gens, je pense, à aller vers les groupes de danse, vers les groupes de théâtre, vers tout ce qui est culturel. Mais il faut aussi être capable de demander à ce milieu-là l'aider à se prendre en main et c'est aussi leur donner des moyens de capitaliser leur entreprise. C'est ça qu'on a fait et je pense que c'est un bon coup de pouce. Ça a été salué. Moi, je pense qu'un premier pas, ce serait de demander à Benoît s'il veut faire partie du Parti libéral dans le gouvernement. Moi, je pense que c'est un premier pas. Bon, alors, je pense qu'on a une entente. OK! Je suis apartiste. C'est bon. Faites attention de ne pas mettre des Z devant parce qu'après ça va pas mal. Parce que ça vire mal. Non, c'est après que ça va mal. C'est fun pour personne. OK! Z, c'est les autolouées. Oui, c'est ça. Ouais. C'est vous ça. Restez avec nous? Ah oui, avec plaisir. Parfait. Fred, notre prochain grand gars. Il est un peu le Henry Morgenthaler des ondes radiophoniques. Il tue dans l'œuf les rejetons non désirés. Voici la chronique d'Olivier Niquette. Alors, Olivier, quoi de neuf cette semaine? Bien, l'actualité a été très riche cette semaine. Je vais donc me concentrer sur les deux nouvelles les plus importantes, soit celle de Jacques Villeneuve qui a fait popo sur le Québec et celle d'un gars qui pue du tour de bras. Pour commencer, Sylvain Bouchard et Mario Dumont en avaient long à dire sur ceux qui veulent empêcher nos riches comme Jacques Villeneuve de quitter le Québec. Ben oui, vous savez, là, ceux qui veulent s'inspirer des communistes allemands. Là. Ils aimeraient ça, leur enlever la mobilité parce qu'il y a bien de ces gens-là qui quittent le pays. Peu, là, le rideau de fer, là, il est plus là. D'après moi, c'est rachetable. Sur le mur de Berlin, il doit bien rester encore quelques petites roches à acheter. Pour moi, je pense qu'on peut, pour la France et le Québec, on pourrait s'inspirer de l'Allemagne de l'Est d'autrefois, avec la Stasi, le mur de Berlin, des checkpoints, pour enfermer les riches au Québec et en France. C'est une émission humoristique. Ça, c'est le son que fait Mario Dumont quand il n'est pas super à l'aise avec les propos de Sylvain Bouchard. Mais il y en a quand même gardé un petit bout pour Paul Arcand, chez qui il chroniquait quelques minutes plus tard. Quelqu'un qui réussit, quelqu'un qui a une vision internationale, quelqu'un qui a bien de l'argent, ben, il finit par quitter le Québec. C'est quasiment comme si c'était normal. Puis ce qu'il nous reste à faire, c'est de l'haïr et de regretter qu'on n'ait pas un mur de Berlin là, pour l'enfermer ici, pour l'empêcher de sortir. Ouais, mais on en a déjà construit un mur du Québec pour empêcher Villeneuve de partir, mais il a foncé dedans avec son char. Ouais, c'est ça. Pour rester dans le domaine du Sylvain Bouchard, celui-ci s'avouait cette semaine un peu jaloux de Jacques Villeneuve. Mais si mon métier n'était pas la radio, donc j'ai un métier où je peux pas transférer, je peux pas m'en aller, si c'était pas ça mon métier, je le dis, là, c'est sincère et profond, j'aurais crissé le camp du Québec depuis environ 2-3 ans. Même jour, même heure, son concurrent Denis Gravel de Radio X disait exactement la même chose. Non, je veux sacrer mon camp comme Jacques Villeneuve, mais je peux pas, je peux pas. Je dois travailler dans ma langue parce que dans la job, la seule job que je sais faire, je suis pas capable de la faire dans une autre langue que le français. Je suis pas exportable. Parce que le système d'éducation dans lequel je suis allé a fait de moi un handicapé linguistique. Je ne peux pas sortir de ma province. 254-6011, les gars! Faut croire que triper sur les libertés individuelles n'implique pas de prendre ses responsabilités individuelles. Passons maintenant au cas de Mustapha Benmamar, qui a fait preuve d'une grande humilité en dévoilant en une du Journal de Montréal qu'il avait été congédié par la ville sous prétexte qu'il puait trop. On peut comprendre que de travailler avec quelqu'un qui pue, c'est assez désagréable et je sais de quoi je parle. Tout comme Stéphane Gendron, d'ailleurs, qui œuvre lui-même au niveau municipal et qui expliquait à VTélé que c'était le genre de situation à laquelle il avait déjà été confronté, par exemple la fois où il a reçu en entrevue une fille un peu poilue. Est-ce que j'engagerais une femme avec du poil en dessous des bras qui pète? Je m'excuse, là, c'est une question d'hygiène. Mm-hmm. Je veux bien croire que t'as ta religion, là, mais va travailler ailleurs. Mm-hmm. Pas d'accommodement raisonnable pour le poil à Huntingdon. En passant, la religion du pas de poil, là, ça s'appelle l'acomoclitisme, selon Wikipédia, et elle se pratique surtout sur les sites de fesses. Stéphane Dupont, de Radio X à Québec, avait de son côté une théorie pour expliquer l'attitude du gars qui pue. Le gars qui pue, là, ben, il pue pas, en réalité. C'est vrai, là, il pue pas, là. Puis il est pas sale. Mais tu le connais-tu? Non, j'en connais plein des comme lui. Ils sont juste pas évolués. Ils se mettent pas de déodorant. Mais je vous rassure, Dupont ne suggère pas ici que Mustapha Ben Mamar n'est pas évolué en raison de son origine ethnique. Il avait d'ailleurs un autre exemple de personne pas évoluée à proposer. Le Doc Mayou, là, j'ai soupé avec, là. Ouais. Il est assis très à côté de moi. Ouais. Puis je vous dis qu'il sent le tour de bras. Oui, ça oui. N'était pas endurable. Oui, oui, il sent vraiment le tour de bras. Il sent le swing. Ouais. Il trouve que c'est de se féminiser que de mettre du déo. Ouais. Je pense que oui. Et oui, le Doc Mayou n'a peut-être pas d'amis, mais au moins, il n'a pas l'air d'une femme. Remarquez que sa barbe et son machisme auraient sans doute suffi à nous en convaincre. De toute façon, le grand journaliste d'enquête, Denis Lévesque, qui ne recule devant rien pour faire triompher la vérité, a mis son nez dans cette affaire. Conseillez-vous ou sentez bon? Moi, je suis... Là, je m'approche là, discrètement sans que ça paraisse pour... Mais oui, monsieur. Ben, d'ici, ça sent rien. Je n'ai pas plus proche que ça, Bon, ben, case closed, comme disent ceux qui ne sont pas handicapés linguistiques. That's it, I'm off. Merci, Olivier. Eh bien, c'est encore une fois... Est-ce que j'ai dit tantôt qu'il fallait revoir la culture? J'en ai parlé, hein. Je vois pas pourquoi. Non, je ne sais pas pourquoi. Je retire ce que j'ai dit. Tout est beau. Il y a de la diversité. Ah, ça, il y a de la diversité rare. Ben, parlant de bonne radio, là, c'est encore le temps de se faire... Oui. Non, je m'excuse. Non. C'est un message nerveux, j'imagine. Oui. C'est encore une fois le temps de se faire plaisir et d'aller écouter un peu de Radio X Jazz. On écoute. Vous écoutez Radio X Jazz, la radio qui swing, toujours du même bord. Vous êtes toujours à l'émission des Airs d'Arien, Kevin Gosselin derrière le microphone et derrière les codes d'écoute également. Mais tout ça va changer puisqu'on apprenait la semaine dernière de l'excellente chroniqueuse du Journal de Montréal, Madame Richard Martineau, que Stéphane Gendron se joindra à notre équipe. Voilà une excellente nouvelle pour la liberté d'expression. Stéphane Gendron n'a pas la langue dans sa poche. En fait, je pense qu'il n'a pas de poche. C'est tout dire. Et parlant de poche, je vous rappelle que nous sommes toujours en levée de fonds afin de recueillir les sommes nécessaires pour payer nos avocats afin d'empêcher nos ennemis d'intimider nos commanditaires. D'ailleurs, je remercie le propriétaire de la compagnie Motocross, Danny, de continuer d'acheter de la publicité chez nous, malgré les menaces qu'il reçoit à chaque heure. Mais je ne suis pas inquiet pour lui. Danny n'a peur de rien. Je peux en témoigner puisqu'il est marié à ma sœur Sonia. Alors, si vous voulez contribuer à la cause de la liberté, vous pouvez passer ici, à la station, ou tout simplement laisser vos dons au bar de danseuse Le Trou Normand. On a laissé une petite boîte juste à côté de la machine à condons. On va s'encourager et poursuivre en musique avec une pièce que je dédie à tous les gauchistes liberticides du Québec. Ils sont des millions. Alors on écoute le tromboniste J.J. Johnson et la pièce Don't Argue sur les ondes de Radio X Jazz, le 91,2. Que c'est Normand. Bon. Oh boy. Le Trou Normand. Barre de danseuse, Le Trou Normand. Ah, je m'en ouvre un, moi. Là, écoute bien. À Terrebonne. Alors, on va aller retrouver Jean-Sébastien, finalement, pour son dernier bloc. On n'en peut plus. Jean-Sébastien, bonsoir. Ah, mon bon Jean-Philippe. Toujours avec Marie-Paul Ross ici. Ben oui. Ma sœur, votre présence suscite beaucoup de réactions aujourd'hui. Comme c'est souvent le cas avec mes topos, les gens m'écrivent pour poser des questions à mon invité. Donc, des questions sur la prière et ou la sexualité, parce que vous êtes sœur, mais également sexologue. Ben oui. Alors, premier courriel. Alors, ça nous vient d'un haut niquette. Bonjour, ma sœur. Une question qui allie prière et sexualité. Moi, je suis un disciple de l'amour sans protection, mais comme je suis croyant, je pense que le petit Jésus ne me donnerait jamais de maladie honteuse. Est-ce que j'ai raison de penser qu'un « Je vous salue, Marie » avant le coït peut me protéger des maladies vénériennes? Aucunement. Ah non! Et mettre un cordon pour faire une croix sur ses compulsions. Ah, c'est bon, ça! Un autre courriel qui nous vient de M. P. Moreau. Bonjour, ma sœur. Je suis arrivé deuxième à la course à la chefferie de mon parti. Je suis le deuxième choix comme invité ce soir à la soirée encore jeune. Qu'est-ce que je pourrais invoquer pour arriver une fois pour toutes dans ma vie? Bon premier, bonne Sainte-Anne. Ben, peut-être Saint-Honoré pour que la politique devienne honorable un jour. Ah, ah ça, c'est bien. Bien envoyé. Et en terminant, un courriel qui nous vient de Bébrière. Ah. Bonjour, ma sœur. J'ai été une superstar au Québec, mais maintenant, je me contente de faire le tour de la province en bas culotte. Et j'aime ça en tabarnane. À quel niveau se situe ma déviance? Mais là, ça, c'est trop long à répondre. Là. Il faudrait que vraiment qu'ils viennent à la formation sur la sexoanalyse. Là. Oui, puis ils comprendraient beaucoup mieux son orientation sexuelle. Et c'est à quel endroit, cette analyse-là, ma sœur? Ah, ça se donne à Québec, dans un lieu privilégié qui s'appelle l'Institut de développement intégral, où on donne beaucoup de formations pour aider les personnes à mieux comprendre leur expérience et leur sexualité. Ah. On vous envoie Bébrière immédiatement. Merci beaucoup, sœur Rose, d'avoir été avec nous. C'était très généreux. Et moi, Jean-Philippe, ça m'a donné le goût de faire une belle retraite silencieuse chez les moines d'Oka. Je serai donc absent pour les deux prochaines semaines. Je serai remplacé par ce qu'on appelle une fille. Merci, Jean-Sébastien. Ben écoute, il y a un bon Dieu partout, hein? Ouais, ouais. Enfin. Hey, moi, je déménage à Québec. Excuse-moi, je vais à Québec. Ça fait rien. C'est sûr. J'allais enfin comprendre pourquoi le talon haut et le bas culotte. Ben, c'est ça. Vous marchez tellement bien en talon haut, en plus. Oui, mieux d'ailleurs qu'avec le petit lui est plate. Hey, mon Dieu. OK, raccrochez, Jean-Sébastien. On n'est plus capable. OK. Fred, notre dernier chroniqueur. Oui. Il a scruté à la loupe le dernier congrès de la Convergence nationale et il a été visiblement impressionné. Voici la chronique de Jean-Philippe Cipriani. Alors, vous avez passé le week-end avec les souverainistes. Oui. Qui essayaient de s'entendre. Oui. Hey, ça ne doit pas être facile. Qu'est-ce qu'il y en est ressorti? Convergence nationale. Oui. Il y en est ressorti des propositions des plus audacieuses pour inspirer le mouvement souverainiste. En tout cas, c'est ça qu'ils disent dans le communiqué. OK. Puis, par exemple, le Bloc, le Nouveau Mouvement pour le Québec, le Conseil de la souveraineté vont, et je cite, « collaborer afin d'identifier les domaines dans lesquels des convergences programmatiques pouvaient être identifiées parmi les trois programmes. » Fait qu'ils vont se mettre en gang. Ouais, comme être 6-7. C'est facile, ça. Non, mais c'est ça que ça dit. Puis ils disent qu'ils ont aussi jeté des ponts. C'est assez audacieux quand même, parce que c'est pas très vendeur à Montréal ces temps-ci, jeter des ponts. C'est ça. Je m'attendais à avoir beaucoup de carrés rouges. Il y en avait en fait beaucoup. C'était le tissu des sièges vides qui était devant. Ouais. Okay, ouais, mais bref, non, c'est ça. Je suis allé converger nationalement. Il y avait plein de convergents, plein de convergentes qui convergeaient. Là. Ah oui. Donc, vous me posez la question, ça a-tu été un succès? Bien, au contraire, vous savez, ça a été unir, collaborer, travailler ensemble, pays devant le parti. C'est des mots qu'on ne met pas souvent avec des souverainistes. Hein? Non, c'est vrai. Il l'a dit, le gars de Convergence nationale, l'orchestre de l'indépendance doit vibrer dans une grande symphonie. C'est juste qu'ils n'ont pas toute l'oreille musicale. Ouais. Mais non, mais regarde, ça s'apprend. Fait que les souverainistes sont plus rassasiés jamais. Qu'est-ce qu'ils ont fait en fin de semaine, vous pensez, les souverainistes? Ils ont parlé de 50% plus un, de comment on peut faire des primaires pour choisir un candidat, puis après, le candidat va être défait, fait qu'il va être en maudit, fait qu'il va se présenter pareil. Bref, ils se sont jasés entre convaincus, ils se sont affrontés entre convaincus, chicanés entre convaincus, puis ont fait des phrases entre convaincus. Et la prochaine étape, c'est la Saint-Jean. Là, on va se grayer d'un beau discours sur les plaines pendant que les gens vont s'y faire puis vomissent leur trop-plein de light avec gluten. Ouais. Les drapeaux vont s'agiter, les cow-boys fringants vont chanter qu'ils sont en berne, Lisa Leblanc va chanter que c'est de la merde, Plume la traverse aussi, puis Louis-Jean Cormier va essayer de calmer tout le monde avec l'hymne national de Raoul Duguay en chœur après la danse à Saint-Dilon. Puis là, si on est chanceux, il va y avoir une émeute sur la Grande Allée parce qu'on va venir de confirmer que les Coyotes restent à Phoenix. Et après ça, l'été va passer. L'automne va arriver, les élections avec, puis la convergence va trouver ça bien maudit qu'on ne l'ait pas écouté. Le vote va se diviser, puis là, tous les souverainistes vont encore se réunir pour trouver comment gagner mathématiquement. Il y a juste une affaire qu'ils vont encore oublier, comme d'habitude, essayer de convaincre ceux qui ne votent pas pour eux. Ah! C'est pas que c'est beaucoup trop important pour laisser ça à des partis politiques, c'est beaucoup trop important pour laisser ça à des souverainistes. Merci beaucoup, Jean-Philippe. C'est fini? Fini. C'est là qu'il faut applaudir. OK, hey! Parce que c'est déjà tout pour ce soir. Restez à l'écoute. C'est le cabaret de Plus on est de fous. Ensuite, c'est Bande à part. On remercie toute l'équipe, évidemment, Valentine Ticotte, Jean-Loup Gagnon, Steve Côté, Philippe Robert. J'ai un gros merci à nos invités de ce soir, Benoît Brière. On vous voit à la télé de Radio-Canada très bientôt dans votre gros projet. On est très, très hâte. Et dès le 13 juin, au Théâtre de Terrebonne. Oui, monsieur. Et Pierre Moreau, on vous attend au ministère du Transport, j'imagine, dans quelques mois. Où vous voulez. Parfait. Ben, on vous... ben, en fait, c'est vous, hein. C'est vous qui faites les prédictions. Ben, parfait. Alors, on vous entend comme vice-premier ministre dès le mois de septembre. Et quant à nous, si vous voulez écouter l'émission, notre balado est disponible sur notre site web. Et si vous voulez vous aussi venir assister à l'émission, on enregistre les jeudis à 17h. La semaine prochaine, nos invités, Kim Thuy, pour vrai, et Pierre Brassard. Et si Jean-Philippe Vautier, qui vous souhaite de profiter de cette soirée, qui est encore jeune. Merci tout le monde. Bravo.